À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Tenny. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Tenny. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour la quatrième soirée avec Tenny qui est là. Comment ça va, Tenny? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, super. Tout va bien? Tout va très très bien. Tu t'es reposé? Pas de studio hier soir? Pas de studio hier soir. Détendu? Ça va, on est là. On va pouvoir attaquer une nouvelle soirée action ou vérité. Ouais. C'est mon tour d'ailleurs ce soir. Oui, oui. C'est vrai, voilà, très bien. Tu es plus quoi, action, vérité? T'as déjà une petite idée ou pas? C'est pas grave, de toute façon j'ai un joker, donc quoi qu'il arrive. Ah d'accord. Joker. Bon ben on en reparlera tout à l'heure, on verra. D'ailleurs, si vous avez des propositions aussi bien en action qu'en vérité, vous les balancez avec le hashtag Tenny sur Skyrock. Ce soir, je le disais, elle est arrivée avec 24 heures de retard en même temps. C'était pas. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Elle arrive aujourd'hui, on l'avait annoncé hier. Vita! Ton invité Vita qui est là. Thierry, que je me faisais tailler en direct. Non, c'est pas... non, mais il y a une mauvaise. En plus, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai. En fait, on a inversé une journée, mais je vais venir hier, mais je voulais absolument venir. Donc, déjà, je remercie Tanis de m'inviter. Bah, je suis trop contente de t'avoir ici. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup voilà, d'être parti. Venue, merci. Les meufs, tu connais. Non, vraiment, ouais. Je suis ravie. Et voilà, et c'est cool. En tout cas, ça te fait du bien d'avoir des meufs, t'es content. Et moi, je suis ravie aussi. Et je suis aussi ravie de te retrouver, Vita. Ça fait plaisir à chaque fois. Merci, bah, c'est cool. C'est moi. C'est tellement d'émotions de retrouver Vita, tellement de planètes rap passées ensemble. Je t'en souhaite autant d'ailleurs qu'avec Vita. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on en a fait un sacré paquet. Ouais, hein. À un moment, t'en avais marre, je m'en rappelle. Non, jamais. Bon, tout va bien. T'en avais marre ou pas? Ouais, si, c'est toi plus. Non, franchement, j'ai des super bonnes expériences. Et c'est vrai que moi, je suis venue pour des chanteuses, des chanteurs. Je suis venue beaucoup aussi parce que j'avais participé à des morceaux avec des rappeurs et tout. Et je suis venue aussi avec Nawel Madani il n'y a pas très longtemps. Exact. Qui avait fait quand même, c'est une exclue qu'elle fasse un planète rap et tout. Donc voilà, j'ai fait un big up au passage. Bah, on se souvient aussi du freestyle incroyable que vous aviez fait, hein, de gang de meufs. Incroyable. Et ce soir, donc a priori, on remet ça, mais en live. Oui, on va faire un petit live à la fin. Bon, je suis arrivée en retard, donc si c'est pourri, c'est de ma faute. Arrête. Non, je rigole. C'est bon. Non, mais c'est cool, on va chanter, on est des chanteuses. On est prêtes. Et bah, très bien. Coup d'envoi de ce planète rap, on débute avec Action Vérité, et puis on parle un petit peu de tout ce qui va se passer dans un instant. Action Vérité. Je veux le voir pour y croire. C'est parti, le Planète Rap Action ou Vérité. Ce soir, ce sera Action ou Vérité avec Tenny. Oui, est-ce que tout le monde joue? Ah, tu veux jouer aussi, Vita? Ah, mais il y a des gens qui peuvent jouer partout. si tu veux jouer, on peut faire ça pour toutes les deux. Hein. Je sais que je suis une gamine. Un peu. Ouais, je sais. Bah, très bien, bonne idée, vous allez vous mettre ensemble. On fera Action ou Vérité, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je disais coucou parce que j'avais pas vu. Ah. Coucou les gens. Bah oui, il y a du monde dans le studio qui est venu supporter les tennis cette semaine. Ça fait trop plaisir. Dans son Planète Rap, un petit mot quand même sur Vita, pourquoi tu l'as invité Un grand mot. Déjà, grand merci encore une fois. Alors, Vita, c'est une des voix françaises qui m'a le plus touchée, surtout par son écriture. En fait, elle a une manière de raconter des histoires. D'ailleurs, je voudrais demander un petit stage d'écriture si possible. Tu vois. Trop gentil, merci. et voilà, ça on s'est rencontrés en promo une fois. On fait beaucoup de promos ensemble en ce moment et on s'est croisés comme ça. Et moi, c'est une fille que j'apprécie aussi. Merci beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix magnifique. Je trouve qu'elle est très belle en plus, vraiment. Ça, je tiens à le dire, c'est vrai. Elle danse super bien. C'est vrai. Elle a un vrai truc, je la trouve charismatique et tout. C'est ce que je disais à mon manager. Et on se croise souvent sur des promos. On s'est rencontrés, j'ai trouvé adorable et tout. Et voilà. Et donc, on s'est croisés récemment. Elle m'a demandé de venir au Planète Rap. Et vraiment, je la soutiens. Et merci. Vraiment, il paraît que l'album est très, très lourd. Ça arrive, on l'a appris, ça y est, on a la date. Ça sortira au mois de juillet. C'est ça. Ah, c'est juillet, ouais. C'est sorti. Ouais, bah, c'est le 10 juillet. 10 juillet. 10 juillet, Yin Yang, le nom de l'album. On a pu découvrir un gros medley hier. C'est quelqu'un avec qui tu pourrais bosser, donc, Vita? Ouais, franchement, on n'a pas encore eu l'occasion et tout, mais carrément, je pense qu'on est vraiment dans les mêmes délires, les mêmes univers. Ah, je serais partante à 200-400 000%. C'est ça, ça se fera sûrement, hein, parce qu'on est dans la même. Voilà, c'est la génération de meufs qui est là. On n'est pas nombreuses non plus, tu vois, en ce moment, c'est vrai, et c'est cool, quoi, de se rencontrer, de faire du son, quoi. Toi, tu te souviens d'un morceau qui t'a marqué de Vita en particulier? Le morceau qui m'a marqué en particulier de Vita, Pour que tu restes, de son deuxième album. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. C'est juste, c'est mon titre. Oh là là, ça me donne des frissons. Comment c'est écrit. Et même le clip, il est magnifique. Et ça me rappelle quelque chose un peu de Mary J. Blige. Parce que je suis très fan de Mary J, surtout de We Ride, la chanson We Ride. Et il y a un petit truc dedans qui me rappelle ça. Bah, je suis très Il y avait des influences dans la prod d'ailleurs, qui était une prod de Scalp au passage. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes influences aussi. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas. Moi j'adore cette chanson, donc vraiment. Oui, je vois, c'est. Tu as la chair de poule rien que d'en parler. Bon, vous chanterez tout à l'heure toutes les deux avec, avec un guitariste qui est là, donc version acoustique. De live. Qu'on peut saluer aussi. Ouais. Coucou Yannick. Yannick est là, bienvenue Yannick aussi, qu'on retrouvera à la guitare. Entre 20 et 21, vos questions aussi, n'hésitez pas à les balancer avec le hashtag Tenny sur Skyrock. À Vita aussi. Vita, il y a un nouveau morceau qui arrivait là. Ouais, donc on vient d'envoyer un premier extrait de l'album qui est en pleine préparation. Et en fait, plus ça va, plus je rajoute des sons. Ça m'est jamais arrivé de travailler. Je travaille à l'envers sur cet album, c'est n'importe quoi. Mais je me retrouve en studio avec des gens super talentueux. Et en fait, on rajoute des morceaux, on fait des morceaux complètement fous. Et j'ai la chance vraiment là de bosser avec une équipe qui me pousse dans des délires, des univers où je vais pas forcément toute seule. Et voilà, je bosse avec donc l'équipe de Gims. Je pense à Rodno Robbio qui est son compositeur. Je travaille avec H Magnum en ce moment, qui est archi talentueux. Vraiment, je lui fais super sympa. Big up, ouais. H vraiment, il est super sympa. Il est super cool. Il est super talentueux. Je pense que d'ailleurs, ça va être un des artistes qui va émerger. Mais oui, il doit sortir son projet en plus. Ouais, très bientôt. Il a un album qui est très très lourd aussi dans les tuyaux. Donc j'ai la chance de bosser avec tous ces gens-là en ce moment et du coup il se passe des trucs fous en studio. Donc je prends mon temps parce que je vais vraiment revenir avec un album très très fort. Et voilà, il y a un prochain extrait qui arrive très bientôt. C'est quoi, avant la fin de l'année 2015? Ouais, un prochain extrait même, j'espère, là avant. Non, mais pour l'album, ouais. Ah ouais, l'album, pour cette année, normalement, fin d'année. On va bientôt annoncer une date. Hein. Donc, une date prochainement, avant la fin de l'année 2015 aussi pour Vita. Donc, tout va bien? Heureuse? Tout va bien. Écoute, heureuse, j'ai eu un deuxième petit bébé, tu le sais. J'ai appris. Je sais pas, je suis pas venue depuis. C'est vrai? Non, je crois pas. Non, t'es pas venue? Non. Ça va, tu dors un peu? Plus du tout. Ça va, d'ailleurs. Mais non, mais c'est cool. En tout cas, c'est que du bonheur et voilà, je fais. Donc, femme épanouie. Ouais. Vita, c'est qu'elle est organisée. C'est vrai que c'est quand même un sacré parcours, Vita. Hein. Ouais. On le dit dans la musique, l'important c'est de rester. Maintenant. C'est vrai. L'autre jour, je pensais à ça et tout. Je me disais quand même, Zao aussi est là depuis le début. Shaim, on a commencé quasiment en même temps. On n'est pas très nombreuses, mais on est quand même. Il y a Amel aussi, tu vois. On est 4-5 nanas à être là depuis un petit moment. En tout cas, moi, je tiens à dire que le soutien que je reçois de Vita, de Zao. C'est juste un truc extraordinaire. Bah, normal. Non, après, on soutient quand non. Moi, je me souviens. Attends, il y a 5, 6, 7 ans. Quand j'écoutais du Vita, je regardais Cescar, justement, ton live de Pour que tu restes. Ah. qui m'a tué ce live. C'était son Planète Rap en plus. T'avais. Tu veux pas chanter? Tu veux pas chanter pour que tu restes là? Non, on va faire mieux, on va faire autre chose. Ouais, parce que non, mais qu'on la voit frissonner un petit peu. Donc en direct. Non, tranquille, on va faire du live à la fin, Fred, c'est prévu. Voilà, en tout cas, de l'avoir ici à mes côtés, c'est un peu irréel pour moi, je me rends pas compte, quoi. C'est trop mignon, wow. Tu peux la toucher, c'est la vraie vie. On se voit tout le temps en plus sur les plateaux, ça déchire. Franchement, je suis super fière d'être à tes côtés. Merci, en tout cas. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses. Est-ce que tu aurais un petit conseil à filer? Parce que maintenant, comme tu as une expérience. Est-ce qu'on a le droit, même, nous, de donner des conseils? J'aime pas faire ça, je sais pas. Moi, je suis là depuis un petit moment. C'est vrai que la musique évolue vite. Ça va très vite en fait aujourd'hui et on est vraiment dans une ère où il faut donner beaucoup de contenu tout le temps. Mm-hmm. Moi j'étais plus d'une période où voilà, on prenait le temps de faire des albums et aujourd'hui il y a beaucoup de monde et voilà, c'est une génération qui est dans la musique, qui a son téléphone, qui a la musique dans son téléphone, qui a la musique partout. Donc il faut s'adapter et je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur d'envoyer des titres, ouais. D'aller voir les gens aussi, de les rencontrer, de créer vraiment un lien avec ton public parce ouais. que c'est super important. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux qui sont archi développés et voilà quoi, donc et ça c'est une force qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque. Ouais, toi tu prends plus comme une force, ouais, toi qui as connu les deux époques, voilà, tu vois la différence complètement. Après ça peut être aussi, il y a des choses qui peuvent aller très très vite, c'est-à-dire que tu peux vivre des fins de carrière aussi très vite pour des choses, ouais. Mais je pense que il faut s'en servir comme une force, dans le sens où aujourd'hui tu peux faire un buzz facilement, tu peux toi balancer des titres aux gens et leur demander ce qu'ils en pensent. Moi il m'est arrivé sincèrement de réussir à faire le buzz sur un titre qui est rentré en radio derrière grâce au réseau et personne n'en voulait. Ça m'est arrivé et je vais pas dire quel titre c'était parce que les gens seront choqués. Mais c'est pour te dire que c'est une force, quoi. Aujourd'hui on peut même se battre et tout, même si à un moment donné tout le monde n'est pas avec toi, t'as les réseaux, t'as les gens, et voilà, il faut se taper. On est là. Merci pour la force. C'est le conseil, il faut se taper. C'est ça, il faut se battre. C'est ça, les femmes fortes. Ouais, bah tiens, justement, puisqu'on parle de femmes fortes, on va balancer un morceau qui s'appelle Femme Indé. Tu l'as écouté celui-ci, Vita? Non, franchement, j'ai écouté très peu de. Juste Action Vérité, t'as écouté? Non, j'ai écouté déjà sur les plateaux, elle en fait deux. Bon, je connais le titre avec Masca que je trouve mortel, moi, que j'aime beaucoup. Merci. Qui est présent d'ailleurs sur le EP, je ne l'ai pas dit, mais le EP est sorti lundi. Ouais, j'ai vu ça. On peut télécharger légalement. Il s'appelle Mal, il y a déjà 6 titres avant l'album. C'est donc ça. Allez le récupérer. Et on ne peut pas le repasser ce titre parce qu'on en a beaucoup parlé et je n'ai pas encore écouté. Le Mal, c'est Mal. Ah, bah on peut le. On va faire plaisir, bien sûr. On va faire plaisir, Vita. Non, là je voulais juste, parce qu'on parlait de Femme Forte, un morceau qui s'appelle Femme Indé. Ouais, je vais écouter aussi. Qu'on va découvrir maintenant pour toi, Vita, et pour aussi les gens qui nous rejoignent en cours de semaine. Voici Tenny et ce morceau Femme Indé tout de suite. Hey. De moi. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Le pouvoir aux femmes et pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. La fin dit ce qu'on a raison avant, refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Dis-leur qu'on est des plans A, y'a pas de plan B. On verra si t'es volage, les ailes plombées. Il serait temps de réviser la façon de nous voir. Aujourd'hui sonne le début d'une nouvelle histoire. Donc pour le maintien de la paix, les machos faux zappés. Changé, forcé de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues, c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro, ça donne ça. Ça donne ça. Sur Skyrock. Le pouvoir aux femmes et pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. À la fin disent qu'on a raison avant, refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Donc pour le maintien de la paix, les machos faux zappés. Oui, les femmes ont changé, forcé de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues, c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Je paye ma propre bouteille comme on. Que toutes les femmes indépendantes, ils ont. passer comme ça. Passer comme ça, passer, passer comme ça. Une femme indéprécise décidée au micro. Sur Skyrock, sur Skyrock, Tani, sur Skyrock. C'est Tani sur Skyrock. Vita, vita, vita, vita. Et Tani sur Skyrock. Hey, hey, hey, hey. Voilà donc ce morceau qui s'appelle Femme Indé. Il tue son morceau, franchement. Tu l'as entendu encore celui-ci? Ça kick, hein. Elle a du flow. C'est ce que j'allais dire, ça kick. Elle a du flow, la petite grande. T'aurais pu rapper. T'as déjà rappé, toi, t'es venu ou pas? Elle rappe un peu, il paraît. Mais tu m'as pas entendu rapper le premier jour, je t'ai fait. Si, c'est vrai. Non, mais quand. Ça tue. Quand je te pose la question, c'est ce que t'as rappé à une époque dans ta vie? Est-ce qu'à un moment, tu as tenté. Mais en fait, je le fais tous les deux. Moi, je le fais tout le temps. Ça kick, quoi. Ah oui, mais tu vois, ça, c'est un truc à la. Il y a peu de meufs qui font ça, qui rappent et qui chantent. J'essaye, en tout cas. Elle le fait bien. Ça me fait marrer, vraiment. Je m'amuse. C'est vrai qu'il y a Wallen un peu qui kickait, je me souviens. Ouais, c'est vrai que Wallen, elle pose de temps en temps des petits couplets et tout, mais il y a peu de nanas qui le font bien. Elle le fait super bien. Merci. Non, le morceau, il est. Franchement, il y a du flow et tout. Moi, j'ai kiffé, ça tue. Mais c'est vrai, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. Moi, je me souviens de Diams, quand Diams parlait de Vita, elle disait, c'est vrai qu'avec ses textes, t'as l'impression que ça aurait pu être un mec qui rappe, quoi, les textes de Vita, bon, sauf qu'elle chante. Et toi, il y a aussi de ça, mais sur la partie plus flow, technique, quoi, le flow, ouais. Ouais, mais elle a un vrai flow de rap, quoi, c'est ça qui moi, j'ai du mal avec le R&B, tu sais, très lover, j'ai toujours avec les textes très légers et tout. Mais quand il y a du flow comme ça, que ça rappe et tout, je trouve que c'est intéressant. Et c'est très dur à faire en français. Franchement, c'est dur. On va pas se cacher. Et tout. C'est dur à que ce soit bien écrit. Et franchement, je trouve que le morceau, il fait qu'un rire. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que toi, tu chantais d'abord en anglais au début. Hein. C'est ça. Ah ouais. Chantais, j'écrivais en anglais, ouais, exclusivement. Et voilà, j'ai écrit tout ou tu t'écris en partie tout. Il y a des titres sur lesquels j'ai écrit toute seule. Sinon, je collabore aussi beaucoup. J'aime bien collaborer, donc je suis co-auteur sur pas mal des titres. Ça, c'est un truc qu'on dit plus. Le reste, pour le coup, dans le chant et dans les voix féminines, c'est un truc qu'on accepte facilement, justement, que des textes soient écrits par d'autres. Chose qui existe un petit peu moins dans le rap. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Je l'ai fait très peu de fois. Après, moi, c'est parce que j'aime écrire aussi et que c'est vraiment quelque chose que je voulais développer et tout. Par contre, là, actuellement, par exemple, sur cet album, je prends beaucoup, beaucoup de mélodies extérieures. Et ça aussi, c'est nouveau pour moi. Je faisais vraiment toutes mes mélos. Et là, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Et en prenant des mélos, justement, à des mecs comme H. McDonald's, voilà, comme ça Bim, te pousse vers autre chose. Exactement, le fait de collaborer, ça t'enrichit artistiquement. Et moi, je pense que ce petit flow rap, ça vient du fait de collaborer avec des rappeurs. Mm-hmm. Parce que mes premières chansons, mes premières maquettes que j'enregistre en français, c'était avec Lox. C'est un rappeur, donc voilà, on se nourrit un peu du flow de chacun et ça m'apporte énormément. Mélodie aussi, tu t'enregistres des petits contre, trucs ou... Ah non, moi je suis une pure mélodiste. Hein, enfin, pardon. Non, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je veux dire. Mais tu as raison. Je veux dire, à la base, c'est ce que j'aime trop faire. Des mélodies, composer des tu mélodies. Tu peux avoir un truc en tête. Ah non, mais mon mémo vocal, il est rempli. Je dois en avoir 3500 là. Alors vite appareil, non pas... Pareil, et je me dis quel gâchis et tout, des trucs, des fois. Moi, c'est toujours la nuit, je sais pas pourquoi. Je suis tout le temps quand je suis crevée, que j'ai une mélo de ouf qui me vient. Et souvent, j'entends des morceaux finis, mais finis. À chaque fois, c'est des gâchis en plus. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Tu vois, et juste au moment de l'enregistrer, tu te dis putain, c'était quoi. Non, mais moi, le pire, j'ai la flemme. À chaque fois, je me dis ah là là, demain matin, je vais l'oublier. Je me lève pas. Mais c'est bizarre, moi, je crois que notre cerveau il réagit différemment quand on est très fatigué. Ouais, peut-être. Je pense. Et notre subconscient il s'exprime vraiment. Je suis pas la seule déjà, ça me rassure, je suis pas folle. Non, t'inquiète, t'es vraiment pas la seule. Mais ouais, c'est quand on est fatigué qu'on a les plus belles. Non. Moi, en tout cas, c'est souvent la nuit et tout, les mélos. Et pareil, j'en ai une chatte dans mon truc. Mais tout le monde est comme ça. J'ai vu Muggy aussi, il en a plein son. Son téléphone, c'est bourré de trucs. On en a tous plein nos téléphones, tu sais. Après, tu faut les exploiter, mais on bosse tous pareil. Il y a Tani cette semaine dans Planète Rap. Vita qui nous a rejoint ce soir entre 20 et 21. Il y aura du live avec vous, mesdemoiselles. Juste avant de balancer la pub, de vous attendre au freestyle, vous repartez avec la Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film Pyramide. On va écouter un morceau. Tiens, c'est un morceau que tu entendras résonner à partir du 20 mai. C'est un morceau de MP avec Soprano, le titre Mieux que nous. Pour une version d'ailleurs inédite que pour Skyrock, ce morceau qui a été refait pour Skyrock. Soprano, MP, Mieux que nous. C'est ce qu'on écoute maintenant. Et puis c'est vrai que toi, à partir du 20 mai, première partie. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Wouhouhou. Le son à l'instant, MP avec Soprano, mieux que nous sur Skyrock. Et je vous rappelle donc à partir du 20 mai en première partie, Tenny, vous la verrez. C'est jusqu'à quand toutes les dates pratiquement ou... Alors non, on fait le 20 mai à Rouen, ouais. Le 21 mai aussi. Et ensuite, le Zénith que... ah ouais. De Paris. Grosse date, très grosse date. Oh juin. Mon Dieu, je fais le Zénith. Je fais le Zénith quand même. Fred, le Zénith avec MP. J'ouvre pour MP au Zénith. Demande à Vita. Ah, j'ai pas suivi. Tu fais les premières parties? Ouais. Ouais, ah, je fais 10 dates. Toi, t'es aussi connu, hein, les premières parties. Alors, moi, j'ai fait Rihanna, ma chérie. Oh là là là là. Ah, si j'ai cru décédée juste avant. C'était, mais c'était quelle salle? J'ai fait les 3 dates françaises. Donc, il y avait Bercy, La Halle à Lyon et le Dôme à Marseille. Oh, ça tue. Et franchement, c'était chiant, mais je te jure. Alors qu'imagine Rihanna, je me suis dit, je vais me faire jeter des cailloux. Et les gens, ils étaient super contents. Normal. En fait, les gens, ils sont contents quand il y a un morceau qu'ils connaissent bien. Exactement. Ton morceau, c'est un morceau exactement qui est super connu. Et vraiment, quand c'est les mêmes univers, en général, ça se passe super bien. Enfin, moi, je pense que là, vraiment, ça va me permettre justement d'aller me faire connaître un peu plus par le public. Je suis pas là, c'est vraiment c'est un challenge pour moi. Ah, c'est un vrai challenge. Voilà, c'est un challenge. Moi, vraiment, c'est un truc que j'ai fait. Ah oui, t'en as fait quelques-unes, hein. Ouais, j'avais fait à l'époque aussi un petit peu de Diabs. Mm-hmm. Et bon, c'est de Rihanna, c'était les dernières. Et je m'en rappelle vraiment parce qu'on avait vraiment la pression et tout. Mais vraiment, c'est un super exercice parce qu'en général, les gens, ils sont archi chaud, c'est le début. Ils sont chiés, ils en ont marre, ils veulent que ça commence. Ouais. Et c'est à toi vraiment d'aller créer un truc, d'aller les chercher. Il faut aller les chercher et tout. C'est un super exercice. Et quand tu sors de ça, t'es vraiment content. En plus, alors les Américains, je t'explique, ils te laissent pas balancer, ils te mettent en noir tout seul. Allez, démerde-toi. Ils en ont rien à foutre. Hein, t'arrives pour balancer, on n'a pas le temps. Ouais, avec MP, ça devrait aller. Non, mais MP, tu vas pas me faire ça. Mais là, il va te faire des. Il est gentil, il va te faire un truc bien. Il est adorable. Donc quand t'as fait ça, après, t'es content. Vraiment, c'est une bonne expérience. Il faut le faire. Je suis super contente de le faire. Vraiment, il me fait une passe de fou, il m'offre une chance. C'est quand Paris, on peut retourner? C'est 12 et 13 juin. Ah, moi, Zénith venir, de Paris. Alors, 12 et 13 juin en première partie, en effet. Et Zénith de Paris. Et ça devrait se passer un petit peu mieux qu'avec les Américains. Ouais, en général, on n'est pas. Tu l'as vu, toi, Rihanna, après, ou écoute, c'était compliqué? Alors, écoute, Rihanna ne balance même pas. Hein. C'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qui fait ses balances à sa place. Moi, j'ai halluciné. Hein. Normal. J'ai vu ça. Ben. J'ai vu passer une fois à peu près à 50 mètres. C'est la fois où je l'ai vu le plus près, quoi. Non, ouais. Tu la vois même pas, hein, tu sors même pas et tout, c'est des Américains. Ah, ouais. Les Quinry. Ah, ouais. Bon, là, tu devrais croiser MP, tout devrait bien se passer. Ouais, il est super cool, il n'a rien à voir. On va revenir dans un instant, bougez pas sur Skyrock, c'est le Planète Rap de Tenny. Vita est là aussi ce soir, il y a du live qui se prépare, on mettra aussi un autre morceau. Est-ce qu'on remettra? Alors, Vita, elle voudrait bien écouter Mal. Mal? Ah ouais, elle a parce qu'on en a parlé grave, ouais, j'aimerais écouter. Et tous les morceaux, il y a du flow là, mêlez. Eh bien, ne bougez pas. Dans un instant, pour faire plaisir à Vita, on passera le morceau Mal, c'est juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Tenny pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Tenny. C'est l'heure de ta punition, ça va faire mal. De la dégustation qui tu veux manger. Tu m'as rendu femelle, laisse-moi te faire mal. Terminons la discussion sur le plancher. Laisse-moi prendre les devants. Réveiller tes sens en prenant tout mon temps. Vas-y, laisse-moi te montrer comment. Ce soir c'est la guerre, soldat en avant. Viens prendre ce qui te revient de toi ce soir. Tout est à toi, tu n'as plus rien. Compter, ça va faire mal. Cette baisse rare, ce beau diamant ne veut pas de ta monnaie. Pour un mauvais garçon qui aimerait faire mal, faut y aller un peu plus fort pour impressionner. Laisse-moi prendre les devants. Réveiller tes sens en prenant tout mon temps. Vas-y, laisse-moi te montrer comment. Ce soir c'est la guerre, soldat en avant. Viens prendre ce qui te revient de toi. Toi tu n'as plus rien à négocier. Fais d'étincelles dans le noir. Je crois que tu ferais mieux d'appeler les pompiers. Je vais finir par te faire mal. Sur Skyrock, mal, mal, mal, mal dans Planète Rap. Je vais te faire mal, mal, je vais te faire mal. Je vais te faire mal, mal sur Skyrock. Mal, mal, mal, mal sur Planète Rap. Mal, mal. Yeah. Mal, je vais te faire mal. T'es sado un peu ouais. Tiens, elle, ça va être ça va être ta vérité. Ouais, les deux. ça va être ta vérité du jour, tiens. Ah bon. Je veux que tu m'expliques cette phrase. Donc moi, je vais te faire mal. Mal, je vais te faire mal. C'est ta vérité du jour. Donc la vérité. Je vais te faire pas une phrase préétablie. Pas Jean, tu vas me faire oui, mais c'est le jeu de mots avec non, mal. Fais gaffe, il est relou quand il est déplacé. Ouais. Alors, ah ouais, je te dis mal, je vais te faire mal. Au point d'appeler les pompiers. Au point d'appeler les pompiers. Elle dit ça. Mais après, il faut bien comprendre que. Moi, j'essaie ce qu'elle veut dire. Ah, mais toi, attends, c'est spécialiste aussi. Mais après, au point d'appeler les pompiers, mais je lui fais pas mal non plus. C'est comment t'expliquer? Parce que je dis soldat en avant. Un soldat, c'est plutôt un gaillard. Hein, il est prêt à tout. Normalement. Non. Ah ouais. Je pense que dans toutes circonstances. Donc quoi qu'il arrive, appeler les pompiers, c'est vraiment histoire de dire qu'on aura très très chaud. Si d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est dans ce sens-là. C'est... Mais oui. C'est ah passé ouais, une nuit avec tennis, c'est fini quoi. Faut appeler une caserne. Mal, en tout cas, c'est un extrait du projet qui est déjà dans les bacs, celui-ci. Depuis lundi, on peut le trouver. Le EP s'appelle aussi Mal. Mais cette fois-ci, avec le jeu de mots pour la jante masculine. Et ce soir, tu as une invitée qui, elle, s'y connaît aussi en douleur. Je te rappelle qu'elle fait quand même Confession Nocturne, comme morceau, entre autres. Ouais, on pleure de toi, Confession Nocturne. On s'est toutes reconnues dans ses textes et dans ses chansons. Et tout, tu as envie à un moment ou à un autre de tout péter, quoi. Ah, mais c'est clair. Casser la voiture de son film. Si ce n'a pas été fait. Moi, j'ai jamais rien fait. C'est vrai? T'as déjà fait des trucs. Vois qu'elle est gentille en fait. Dis-moi, qu'elle est douce. T'as déjà fait des trucs. Non, mais alors. Moi, action vérité. Vérité dire... Tu as déjà fait des trucs, Vita? Vérité, non. Alors, moi, je suis pas violente. Mais écoute, du tout. Non, moi, je suis une victime. T'as jamais rien fait pour te venger. T'es pas du genre, toi, à péter une vitre et tout. Moi, en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est partir, je dis toujours proprement la tête haute. C'est-à-dire que. D'une façon où vraiment ça, tu pars avec une dignité, tu vois. Ça, même si c'est dur, hein, chez toi, tu pleures pendant 3 semaines et tout. Mais juste 3 semaines. Ah, ça va. 3 mois, 6 mois. Et tu rappelles jamais, tu vois. Tu changes. Moi, c'est ma spécialité, c'est ça. Tu changes de numéro et tout. Vraiment, genre, le mec. Tu coupes quoi? Tu coupes tout. Il y a toujours un moment où le mec, il béflant au début et tout. Tu vois, il s'en fout et tout. Il fait genre, il s'en fout. Mais les hommes, ils sont comme ça. Ils regrettent toujours après. Tu vois, ce que j'ai toujours raconté dans mes morceaux. Mm-hmm. Et au moment où lui, il revient. Toi, tu as disparu, tu vois. C'est ça. Et là, tu es parti de façon propre. C'est-à-dire, quand tu te croises, il est mal. Vous ne connaissez pas le proverbe préféré des mecs, hein? Une de perdue. Ça, c'est ce que vous dites. Hein, mais bon, en vérité, on sait que. Voilà quoi. Donc, moi, j'aime bien. Moi, vraiment, c'était plus dans ce sens-là quand. Mais je n'étais pas genre à tout casser et tout. Et je tiens à dire que c'était l'idée de James. Étonnant. Ah, étonnant. Étonnant. Et vraiment, c'était pas mon idée et tout. Et vraiment, dans tout le morceau, tous les trucs comme ça, hardcore, c'était elle, c'était pas moi. Le Planète Rap avec Tenny, avec Vita, ce soir où on a appris quand même le scoop. Hein. Vita est une victime, elle nous l'a annoncé il y a quelques minutes. Je blague, c'est très bien. C'est une femme pure et. Hashtag avec... Vita, non, je regarde. Ouais, le truc. Non, pas du tout. Non, non, mais je veux dire, en tout cas, que j'étais pas. Je suis pas quelqu'un. Il y a des... Non, vraiment, moi, je vois, j'ai des copines, elles sont. On gagne vraiment jamais rien à se venger. Ouais, exactement. Et à être dans la guerre et tout, moi, je suis pas là-dedans. J'ai des copines, c'est des spécialistes de ça. Tu sais, les filles, elles aiment bien et tout, genre. Les filles d'aujourd'hui, elles sont comme ça. Après, je dis pas qu'il faut être complètement non plus une victime. Moi, je pense tu perds plus de toi en faisant ça que. Ouais, voilà. On a fini, on a fini le débat là. Parce que... Bref. On t'a saoulé avec des débats de meufs. Histoire là. C'était bien 2 minutes, mais là, c'est tendu quand même. Bon, tu vas te sentir seul, frère. Non, pas tout seul, parce que regarde, il y a Kéfir qui me rejoint par téléphone. Kéfir de Saint-Etienne, un freestyler qui vient régulièrement rapper, qui est très fort, qui est un mec qu'on aime beaucoup. Et qui vient rapper et qui a choisi donc sa soirée, puisqu'il y a Tenny et Vita aussi. Yes. Ça va? Tenny, je connais un peu moins, mais justement, le Planète Rap est justement fait pour découvrir. Exactement. Yes, par contre, Vita, bah, bien sûr, je connais, et puis on a même une connaissance en commun. Bah, parce qu'il est de Saint-Etienne. Il est de Saint-Etienne, Kéfir. Je suis de Lyon, j'ai peur. Ouais, c'est Kesto. Oh, Questo, c'est un rappeur à l'ancienne de ma génération d'avant. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il devient? Il fait toujours du rap? Non. Il a pris une autre voix. Bah, il a pris la même voix que Jams d'ailleurs. Arrête. Bah franchement, je suis super contente pour lui. Tu lui passeras un grand, grand bonjour de ma part et bah franchement, ça tue. Je suis très, très contente pour lui. Yes. Pas de souci, pas de souci. Et d'ailleurs, j'ai quelques morceaux de, enfin quelques vieux dossiers de Vita à la maison. Ah, tu m'intéresses, Kéfir. Ah ouais, il y en a des morceaux où j'ai posé des vieilles voix dans des vieux studios. Tu m'envoies ça? Ouais, ça peut, on peut s'arranger. Très bien. Y a pas de souci. Parfait, mais dis donc, parfait. Je vais boycotter tes voix pendant ton freestyle, tu vas voir. Non, mais Kéfir est très fort, il connaît tout. Hein. Chaque fois, il a une petite anecdote sur tout le monde. Ah ouais, hein. Très, très fort. Donc, par contre, t'as rien sur Tenny, hein, Kéfir, je suis déçu. Non, malheureusement, non. Mais en tout cas, je vais découvrir et j'espère j'espère qu'elle aura une aussi grande carrière que Vita là merci en ce beaucoup. Moment. Quoi. C'est oh, merci, Kéfir. Mais je lui souhaite encore mieux. Merci. Kéfir. À l'occasion de la sortie du film Pyramide, tu repars avec ta Samsung Galaxy Tab 4. Le film est sorti mercredi. Ah, grand merci. Merci, à Saint-Etienne. Mais il faut quand même rapper, tu crois pas juste que tu vas te casser comme ça, hein. Ouais, non, non, je vais essayer. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone, c'est Kéfir maintenant, on y va. Yo. Ok. Yo. Kéfir. J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent, planer sur le rail m'imposer. Nos diluges émergent des profondeurs invisibles pour vos sonars. Un parasite en visite, nuisible bloqué sur Solar. Voici ma carte de visite, toujours aussi précise sur le beat. Les wax sont peu explicites et investis sur les feeds. A chaque fois que j'écris un freestyle, je peux pas m'empêcher de les citer. C'est le texte d'une extra-caille avec l'esprit toujours dissipé, dirigé vers les faux DJ wax. Breakdancer, auto-yeur, mets des fab claques. Buzz Spencer, mec, t'es trop nul. Tu devrais te tirer dans ton VIP si on payait un impôt sur le ridicule. Tu paierais l'ISF, docteur qui est permis. T'as qu'à par mettre le vin par bord de bas par chuter le vent par toutes ces femmes qui se prennent pour le prince du Capario. Je m'adresse à tous ceux qui mettent des bâtons dans les jambes. Ça se répercute dans les ventes car leur album sonne tout creux et croit tout. Et je fais des jouets gommés sur leur plan des poulets couler, les écouler tout le coup est fini de jouer. Retour dans ton coin comme un gamin on te gronde. On est tous le con de quelqu'un sauf toi qui es celui de tout le monde. Tout mon sac j'ai pas déballé, ce son est un pas décalé. Va les femmes demandent détaillé, braille croyant que j'allais pas les galer. Envoie le beat crap que je puisse l'étaler. Mettre une tannée, stannée, celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es amende à lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, Kéfir, je dédicace à Anou Garnier, Alexis, Mamé, Marlène, Elisa, Anissa, Maud, Cali, Gwendoline, Navo, P50, Kéfir, Saint-Etienne, One Mike. Yes, Kéfir à l'instant, freestyle, bravo à toi une fois de plus, Kéfir. Yes, bien, Kéfir, ça tu merci. Mérites largement cette Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film Pyramide, c'est pour toi. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais juste rediriger ceux qui ont aimé le freestyle vers ma page, c'est KEFYR, et on a sorti un clip avec le crew, ça s'appelle Sale Quart d'heure, et le crew c'est One Mike. Voilà. Eh bah One Mike, on soutient, et merci à toi Kéfir. Merci à salut, vous, Kéfir. Et bonne chance à Tenny. Merci beaucoup, merci. Tenny avec nous, on va écouter un morceau, on l'avait promis, et puis juste après on attaquera le live si vous êtes prêtes toutes les deux. Yeah. Le morceau c'est Hold Up, c'est le morceau que t'as enregistré. Ah oui. Elle a enregistré en pleine nuit. Ah ouais. Et genre c'était quand hier, c'est avant-hier soir, avant-hier soir. Ah, soir. Elle est sortie, elle est sortie du Planet Rap à 21h. Bah raconte. Bah j'ai donc mon invité le mardi c'était Glory qui est un artiste que j'adore avec qui je collabore aussi sur mon projet qui n'est pas encore sorti et il a un titre qui tue, c'est une tuerie. Donc j'invite à mon Planet Rap, on le passe. Il y a eu des bonnes réactions. Un flot de réactions. Et ouais, vraiment plein de bonnes réactions. Et on s'est dit, bah tiens, on va aller en studio, on va enregistrer une version. Donc le soir même. Ça tue. Une version à deux. Et le lendemain, on l'a diffusée et c'est le feu, quoi. C'est juste le feu. Et on va pouvoir te le faire découvrir aussi maintenant. Ça aussi, ça exclut quand même, c'est bien. Exclut, Hold Up tout de suite. Et après, il y a le live avec Vita et avec Tenny pour son Planet Rap. Je suis entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. T'as le champagne magnum rosé, carré VIP fait ton chez toi. Nuit blanche, sommeil perturbé, je te laisserai pas rentrer sans moi. Tu sais que j'ai ce qu'il te faut, ouais, ne résiste pas. Tout est dans le style et mots, ouais, t'inquiète, tu comprendras. Hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. Je suis rentré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Rien que toi et moi, we just one night, we just one night. J'ai non-stop, non-stop. En mode non-stop, non-stop, non-stop. Et Tenny à l'instant, donc ce morceau qui s'appelle Hold Up, que t'as pu découvrir aussi vite. Hein. Et juste avant de faire le live, j'avais une question à lui poser. Bah vas-y. Et je voulais juste dire aussi, j'aime bien, elle a un grain de voix un peu voix cassée, oh, j'aime merci. Trop les voix comme ça. Ça te va bien d'ailleurs, le guitare-voix, vraiment, je t'encourage à faire de l'acoustique. Merci, merci. Et juste une question, Tenny, c'est ton. Non, mon prénom c'est Faten. Ah, c'est beau. Merci. Ah, c'est beau. Et pourquoi Tenny? Pourquoi Tenny? Parce que. Tu l'avais pas posé celle-là. Non, mais j'attendais que t'arrives. Ah ouais, bah ouais, tu vois. Bah en fait. En fait, mon petit frère, quand il n'arrivait pas à dire Faten, il disait Fateni, Fateni, ah. Fateni. Et on a gardé juste le tennis, c'est devenu mon petit nom. Quoi. Mais Faten, c'est pas mal aussi. Hein. Faten, oh, ouais. C'est mon prénom. Hein. C'est mon prénom, que veux-tu? Maintenant, ça sonne un peu plus qu'un riz. Quoi. C'est genre, d'ailleurs, Faten, c'est une signification particulière ou pas? Faten, c'est égyptien d'origine. Ça veut dire le charme, la charmante. Voilà. C'est ce que ça veut dire vraiment. Pas côté visionnaire deep, des parents. Pas plus deep que ça. Oh, merci Fred. De rien Faten. Tu permets. C'est parti pour le live, vite hein. Yeah. Ce parfum, c'est différent du tien. J'ai compté chaque minute qu'il me retient. À lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Ça fait bientôt un an qu'il m'a sauvée. Pour toi, souvent je me demande où j'en serais. Pour toi, souvent je me demande ce que tu fais. Où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. Moi j'ai changé d'adresse de numéro. Et j'ai balancé tes lettres et tes défauts. Et j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec un autre. Le temps ne semble pas gommer tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. J'essaie de me soigner avec un autre. Qui tente en fait de racheter tes fautes. Il semble si parfait mais rien n'y fait. Je capitule, je ne peux pas. Je ne l'aime pas comme toi. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. C'est lui. Lui il a tenté de me consoler. Mais il n'a pas tes mots ni ton passé. Mais il n'a pas ton goût. Pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je hais. Il a séché toutes tes larmes, tu sais. Il est remonté. tes fautes. Je ne sais mais rien ne fait. Je ne veux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne n'aime pas comme toi. J'essaie de me soigner avec un autre qui tente en vain de rejeter tes fautes. Il semble si parfait. Regarde les messages merci. Qui arrivent en disant les voix se marient trop bien ensemble, ça te défonce. Merci, merci. Elle a une merci, super belle voix. Moi, en même temps, je la découvre aussi ce soir en live parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de chanter ensemble. C'est vrai. Et elle m'a fait un kiff. En plus, elle m'a écrit, elle m'a dit je veux qu'on chante telle chanson. Elle m'a proposé que des chansons à moi. J'ai trouvé ça trop, trop mignon. Et elle a une super belle voix, cette fille. Franchement, retenez bien son nom merci. Parce que je pense que tu iras vraiment loin et tu as un super truc. Beaucoup. Vraiment, moi, je suis derrière elle. T'es tout émue. Je vois que tu es tout émue. Non, mais même moi, j'ai kiffé chanter avec elle. Elle est trop mignonne et tout, ça déchire. Non, merci, bravo, merci. On continue, on finit encore avec un live ou c'est fini pour les lives vous en voulez un autre? Bah. Ah ouais, j'aimerais bah, bien. Et, bah, alors, moi, je t'ambiance et tout, je fais des bacs. Écoute, aujourd'hui, je me dis. Il y a une autre chanson à toi que j'adore, Liam, que tu as écrit pour ton fils. Merci. Et en fait, les chansons qui parlent d'enfants, en fait, ça me touche énormément. J'ai vraiment un rêve, hein. C'est mon plus gros rêve d'être maman, quoi. Et donc j'ai pensé peut-être à refaire un petit après l'émission. Terry Moïse. Ah ouais. Terry Moïse, je serai là, qu'elle avait écrit pour son enfant. C'est bon, elle a pas entendu ma connerie. Pardon. Ça te dit toi un petit Terry Moïse? Ah oui, ça me dit. Allons-y. Ouais. Ah bah en plus c'est vraiment une nana qui a une pensée pour sa famille, ses proches, qui exactement. Nous a quitté trop tôt, Terry Moïse. Une seconde. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. À chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Que tout est dit de t'offrir une vie idéale, sans peur et sans mal. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Super bien, le gars. C'est un beau cadeau, moi j'adore ce morceau. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est un morceau. Tu m'as même pas écouté pendant que j'étais en train de t'expliquer l'histoire derrière. Pourquoi parce que j'étais concentré sur autre chose. Sur le truc que t'avais dit avant. Tu sais que Vita, en fait, elle a une chanson qui s'appelle Liam. Oui, qui bien déjà sûr. Son fils. Qui a tourné sur Skyrock d'ailleurs à l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, le petit bout de chou, il s'appelle comment? Et le deuxième s'appelle Adam. Liam et Adam. Il y aura une chanson sur le prochain album. Tout le monde me dit ça. Je sens qu'il va être frustré le deuxième. Ah, bah ouais, t'es obligé là. Quoi, tu commences comme ça? Je sais pas, c'est pas prévu encore. Bon, à venir. À venir, non, en tout cas, ouais, c'était vraiment une très belle reprise. C'est vrai que c'est. Ouais, voilà, c'est... Ça lui va... Elle a une super belle voix. Une artiste aussi incroyable, Terry ouais. Moïse, et voilà, que je voulais vraiment saluer ses proches, sa famille. Ça repose en paix, ouais. Voilà, exactement. Et bah, c'était une belle soirée encore. Oui. J'ai envie que ça continue. Super belle. Merci, c'est Yannick. Merci Yannick. Yannick pardon. Bravo Yannick. D'ailleurs, si on peut applaudir d'ailleurs Yannick. Bravo Yannick. On applaudit. Si t'as des dispo Yannick, moi je cherche un guitariste. T'as vite à bien faire ses courses alors. Bon. Non, franchement, non, j'imagine que. Mais franchement, non, on va se parler. Vraiment, mais vraiment, génial. Je kiffe ce que tu fais, ça déchire et t'as un groove et tout, ça tue. Ah, bravo, vraiment, bravo. Et bon, merci voilà. Yannick en tout cas. J'ai bien fait de venir. Tu as d'autres gens à proposer ? N'hésite pas. Écoute. Toujours, toujours. Mais ça fait vraiment plaisir, merci. En plus, il est venu en last minute pour nous et tout. Donc, merci mon gars. C'était réussi en tout cas, ouais. Pour ces deux lives. Avant de se quitter, avant de retrouver D-Fool d'ici quelques minutes, on va faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planète Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Skyrock. Skyrock. Allô, Nico de Dole. Oui. Comment ça va, Nico de Dole? Bien et toi Fred? Et écoute, en pleine forme, tout va bien, regarde. Je suis bien entouré, il y a Tenny, il y a Vita qui est là. Ouais, j'écoute depuis tout à l'heure. Tu as découvert toi Nico, tu connaissais Tenny? Coucou Nico. Un petit peu, ouais, mais ça fait du bien, un peu de fraîcheur dans Merci. Merci. Rap, je sais pas, mais en tout cas... Tu dis pas ça pour toi, tu dis pas ça pour Vita, toi. Hein. Mais non, je rigole. Il y en a dit, de toute façon, je fais pas du rap, alors j'ai pas pris pour moi. Attends, je rigole. Tandis que Tenny fait du rap et kick. Je fais du rap. Elle va balancer un 16 dans un instant, ne bougez pas. Freestyle avec un 16 qui sera balancé. Nico, on fait tourner, c'est parti. Bonne chance. Ouais, vas-y. Merci, Tony. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter. Nico, la compile Planète Rap 2015, elle est pour toi avec 60 euros en bon d'achat. Ah, c'est super. C'est pour toi, Nico. Merci. Les filles, c'est... Super. Donc t'as gagné, non? Par contre, c'est vrai que c'est épuisant. Une semaine avec des nanas seulement. On est comme à l'école, ça va. J'ai plus l'habitude, moi. Vous nous séparez, vous nous mettez de l'autre côté, comme ça. Ah ouais, c'est... Vous avez même pas fait un bisou à Nico. Bisous, Nico, bisous, bravo. Nico, hein, bravo. On fait des selfies. T'es content de ton cadeau? Ouais. Ouais, oui, regarde, écoute. Je suis trop content. Joie de vivre, on l'appelle Nico. Merci à toi, Nico, d'avoir été avec nous, en tout cas. On te remercie pour avoir fait tourner la roulette. Ah, maintenant c'est le selfie. Mais quoi, c'est à toi de parler, c'est toi l'animateur. Mais non, on a le droit de se prendre en photo quand même. Non, je rigole. Après, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? C'est... Non, bah, je sais pas, moi j'en chez moi, j'ai des enfants. Des enfants rentrer à la maison, maman. Il est bizarre ce soir, Fred. Hein. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. Ah bon? Ah non. Moi, j'ai connu le bel rap avec des rappeurs, tout ça. T'étais pas comme ça. Eh bah oui, mais en même temps, je m'adapte. Hein. Tu m'en veux je pas. Je vois ça. Hein. Je vais y aller. D'être un peu plus relax ou je suis un peu plus tranquille. Là, c'est pour ça. Je ne voudrais pas ce qui se passe à droite, en haut, en bas, etc. Laisse tranquille. Avec Tenny. Merci en tout cas, Vita, d'être passé. On attend merci, donc. Merci. Toi, il y a l'album qui arrive. Ce sera pour 2015, courant 2015. Et je reviendrai te casser les pieds. J'espère bien. Grand plaisir. Il paraît que tu seras aussi sur la tournée, la grosse tournée de Gims qui débute au mois de novembre. Ouais, je vais faire pas toutes les dates, mais certaines de grosses dates. Et on vous prépare une surprise et tout sur scène. Paris, c'est quoi ça? C'est Bercy. Paris. L'Arena. Bercy, Arena. Voilà, je fais l'Arena. Ah oui, le nouveau. Vite fait. Nouveau Bercy. Bercy. Non, mais sinon, les autres dates. Là, je fais la Suisse, la Belgique, je le dis. Après, c'est tout, non? Marseille. Marseille. Bercy. Bercy. Ça fait 4, il en manque 2. Et Marseille. Et voilà, bon, et on a les réseaux, les gens connaissent. Mais de toute façon, on ira suivre sur les réseaux. Vita officiel, allez faire un petit tour. Vous allez suivre et vous aurez toutes les dates. De toute façon, c'est au mois de novembre, décembre. Ouais. Tenny, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a deux trucs. Alors, déjà, j'aimerais remercier Noémie. Merci pour ton petit message. Vita, c'est vrai qu'elle m'a donné de la vitamine aujourd'hui. Ouais, merci. Oh, très joli jeu de mots. Gros bisous, comme d'habitude, à toute ma Tenny Tribe, ma Tenny Army, ma Tenny Family, mon Tenny News. Bisous à tout le monde. Et aussi, il y a moyen que j'aille faire un petit coucou. Tu veux faire un coucou à D-Fool? À D-Fool, ouais, j'aimerais déjà bien. Déjà, parle-lui parce que je crois qu'il est encore dans un bateau bloqué. T'es dans un bateau? Mais non, je suis pas dans un bateau, je suis avec des supporters en bas de la radio. Il y a du monde qui t'attend. Je voulais te le dire, ils sont là, ils sont, elles sont belles aussi. Pas mal de filles, mais il y a des gars aussi. Hein. Allô, D-Fool? On se voit quand, nous, D-Fool? Bah là, je pense que c'est ce soir, hein, la grande rencontre. Parce que je pense qu'il a envie de rester en bas avec les jolies filles plutôt. Là, je monte, oui, mais je peux pas, malheureusement. Il y a tellement qui nous attendent derrière la radio, tu sais. Elles sont toutes là à nous attendre. Bon, vous pouvez nous appeler dès maintenant, hein. Les filles, mais les garçons aussi, hein, tout le monde. Donc tu restes et tu fais un tour chez Difool. Mais Difool, je viens de voir alors. Bah, tu viens nous faire un petit coucou. Tu viens nous faire un petit coucou. Ah mais j'aimerais trop. Ah oui, je vais monter parce que si tu viens nous voir et que moi je suis en bas, c'est un peu con quand même. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, t'as pas compris. Bah si, j'ai compris. Ils sont 13 joueurs, tu peux faire plein d'actions vérité. Hey. Avec l'équipe. Allez. On va faire des actions vérité, Tennis. Ouais, allez, viens, on va faire des actions vérité. Waouh. Bon, alors, Tennis, dans un instant, ça va être chaud ce soir. Parce que Rihanna arrive aussi, on va écouter Bitch Better Have My Money. Bitch Better Have My Money. Elle est déjà là. On fait un duo si tu veux. Bitch Better Have My Money, le son de Rihanna qui arrive tout de suite. Ce son, il me donne une patate. C'est vrai. Et bah, j'aime trop. Tu entends cet accent de Difool en anglais? Tu peux même le parler en anglais. C'est un anglais très précis, un anglais du Bronx pour Difool. Ah, un anglais du Bronx. Moi, je pensais que c'était un anglais de. J'allais dire. Non, du Bronx. Du Bronx, c'est du Bronx. Ouais, du Bronx. C'est du Bronx. Voilà. Bon, en tout cas, vous tous qui nous écoutez, Rihanna arrive, Tennis va te faire un petit coucou dans un instant dans la radio libre, et puis vous pouvez débarquer quand vous voulez dès maintenant au 01 53 40 30 20. Bon ben, je te laisse retrouver tes fans. Tu viens nous retrouver juste après, et puis okay. toute l'équipe arrive. Génial. Écoute, à tout à l'heure, c'est trop bien. Et puis demain, enfin, le grand retour. Le retour, on sera en direct demain même. Si c'est férié, on sera là demain entre 20 et 21. Oui, bravo, demain, Fredo, je te prépare. Bravo, alors, demain, je te prépare une belle action. C'est vrai? Ah oui, pour terminer cette semaine en beauté. C'est fou comme ça me plaît. Vivement demain. Bah, vivement demain, mais n'oubliez pas la soirée. On la passe ensemble. Là, bah, évidemment. Ouais, en plus, il y a le problème du mois, mais on en reparle tout de suite. Oh là là. Ah oui, c'est pas présenter le problème du mois, Tennis. Ah bah, c'est le week-end. Je vais te briefer. T'inquiète. Ah, okay. Tu connais pas le problème du mois, Tennis? Tu vas adorer. C'est toi, tu peux pouvoir répondre à tous les problèmes du mois. Mais tu n'as jamais écouté Skyrock, Tennis, c'est pas possible. Non, mais en fait, je t'explique. J'ai un petit réveil Hello Kitty dans ma chambre. M'aurait pas dit. Enfin, à un moment, j'écoutais beaucoup pendant que je me préparais et tout, mais. Donc mon petit réveil Hello Kitty, je sais pas pourquoi, la radio, elle ne veut plus marcher. Et bizarrement, c'est que Skyrock où ça grisille. Quoi fou. Bah oui, c'est bien 96. Il faut que je vienne le régler. Non, je veux que tu en achètes un, Fred. Tu veux que je passe demain à la maison ou ce soir? Mais je pense que je vais régler le réveil. Laisse tomber. On va devoir y aller, Difool. Je suis désolé, hein. Je suis attendu chez Tennis pour régler un réveil. Et... J'ai entendu, Fred. Et ne mettre que Skyrock sur mais son petit Hello Kitty. Mais on va pas expliquer alors le problème du mois. Je te l'explique. Attends, on va t'expliquer, tu vas pas décider du voyage. En attendant, je répare mon réveil Hello Kitty. Là, t'inquiète pas. On m'explique un peu. T'inquiète pas. Allez, on est en retour. A toutes. A toutes. Salut, Fred. À demain. Tchou. Et Radio Libre, c'est parti tout de suite. Toute la journée sur Skyrock.